après Monaco et Marseille, des biens. Ici Nicolas Martel. Je vous invite du 13 au 16 septembre à venir assister en grand nombre au 48e championnat mondial de pétanque avec plus de 48 pays participants. Également, la tenue du festival des biens extrêmes avec la plus grosse tourtière au monde, la chaise musicale géante, le championnat mondial de pédalo et plusieurs autres activités seront à l'honneur. De plus, en soirée, trois spectacles de Québec Cible, partenaires majeurs de l'événement. Pour achat de billets ou informations, consultez le site web et le Facebook de la ville de Lévis. On va parler de l'impact de Montréal et du soccer en général avec Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence du soccer au Saint-Jean. Salut Benoît. Salut Dan Radio Sport. Benoît, si on y allait d'abord avec l'impact de Montréal, il n'y avait pas grand monde qui disait que l'impact allait gagner. Puis finalement, une belle victoire contre les Red Bull de New York Gas à deux buts de Sagnat, Bakary Sagnat, la nouvelle acquisition de l'impact. Il n'en avait pas compté beaucoup en saison, dans sa carrière, puis il en a compté deux dans le même. Quand même bon pareil. Oui, mais il n'a pas marqué deux buts, Bakary Sagnat. C'est Bakary Sagnat puis Fanny qui a marqué l'autre but. Deux défenseurs français. Fanny qui a marqué l'autre but. Et le troisième, c'est Piatti. Piatti s'est fait refuser un but à 3-0, à 2. L'impact aurait pu remporter ce match-là 4-5-0, Danny. Vraiment, comment est-ce qu'ils ont dominé le Red Bull? J'en reviens pas, le Red Bull. Pourtant, le Red Bull en haut de la Ligue, première position de la Ligue MLS à ce moment-là, samedi dernier. Donc, toute une performance de l'impact de Montréal. Mais tu sais, Danny, on l'a souvent dit que dans la MLS, les équipes hautes, quand on reçoit à domicile, on s'aperçoit que les équipes à domicile ont beaucoup plus l'avantage que l'équipe à l'étranger. Et puis, c'est un circuit qui est très serré. On s'aperçoit des équipes, il n'y a pas vraiment... Oui, on va arriver en Coupe MLS, c'est les mêmes clubs qu'on revoit souvent, mais c'est très serré. Là, une équipe d'une semaine à l'autre peut battre une autre équipe. Là. OK, donc on l'a vu effectivement, puis c'était une grosse victoire, puis c'est grâce à ça, parce que ce ne sera pas facile d'ici la fin de la saison, évidemment. Le début de saison, c'était difficile de l'impact, a fait en sorte évidemment que c'était difficile. Mais l'Impact avait des matchs en main, puis là, ça va se replacer. Il faut dire que New York avait quand même joué trois matchs en six jours aussi. Oui, bien c'est ça. Red Bulls, quand tu regardes le classement, quand même un poids devant Atlanta. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est l'Impact en sixième place. On est à quatre points de l'Union de Philadelphie. Mm. On a un match de plus que jouer deux qu'eux. Et ensuite, DC United, New England et Toronto. Toronto, grosse défaite samedi dernier. Ouais. C'est quand même surprenant de voir que Toronto ne fera peut-être pas les séries de la Coupe MLS. Ça serait décevant parce qu'ils ont quand même une très belle équipe aussi. Mais comme on a pu mentionner, Danny, le fait qu'ils aient participé à la Ligue des champions CONCACAF, c'est un long parcours. Peut-être que ça les a retardés, ça les a mis derrière le classement. Ils n'ont pas été capables de revenir. Ils tentent une remontée, mais c'est pas facile. Mais DC United va être en septième position, va être dangereux, là, je crois, d'ici la fin de la saison. Donc, l'impact devra... un gros 3 points samedi dernier. Là. OK, avec évidemment que Wayne Rooney, cette équipe-là est complètement transformée depuis que Rooney est rendu avec les DC United. Autre affaire maintenant. J'aimerais te parler du côté de la Ligue des champions. Il y avait quand même le tirage la semaine passée. Le tirage au sort a été fait. Et oui, on sait que la Ligue des champions en Europe, c'est le gros circuit sur la planète parce que les meilleurs joueurs se retrouvent dans les gros clubs. Hein. Mm. C'est toujours ces gros clubs-là qu'on revoit à partir des huitièmes de finale. Alors là, on s'en va en phase de groupe. 8 groupes de 4. Si tu veux qu'on fasse un petit résumé, un portrait des groupes dans le groupe A, t'as quand même un groupe intéressant avec l'Atlético Madrid, Dortmund en Allemagne avec Monaco, ça pourrait être intéressant, puis le club de Bruges en Belgique. Donc, moi, je mettrais Atlético et Dortmund qui devraient être favoris dans ce groupe-là. Dans le groupe B, ben, t'as Barcelone, FC Barcelone qui a remporté une victoire de 8-2 dimanche dernier. Lionel Messi, deux buts et deux passes décisives. Barcelone avec Tottenham, ça peut être intéressant avec l'Inter de Milan. Donc, moi, je pense que Barcelone et Tottenham pourraient sortir 1 et 2. Mais l'Inter peut être dangereux. Il y a une équipe du PSV, Eindhoven, qui est un pays hollandais, un club hollandais. Donc, ça pourrait être intéressant aussi. Dans le groupe C, Paris Saint-Germain, Liverpool, ça va être intéressant à voir. Ils vont jouer déjà le mardi 18 septembre prochain. Déjà, deux clubs intéressants. Liverpool est en montée. On sait qu'ils ont perdu en finale l'année passée. Ouais. T'as le club de Napoli en Italie qui est en première, deuxième position dans le championnat italien. Ils ont eu une bonne saison l'année dernière aussi. Et t'as un club, là, le Zvezda Zvezda. Je crois que c'est le club de la Serbie. Qui devrait fermer la marge. Donc, ça va être une bagarre à trois. Là, Paris, Napoli, Liverpool, j'ai hâte de voir qui va sortir 1 et 2 dans ce groupe-là. Dans le groupe D, ben, tu as le Lokomotiv de Moscou un club russe, donc un club pas mauvais club, non, mais c'est pas mal américain pour Russie, je pensais de Russie, hein? Oui, le Lokomotiv Moscou, mais t'as le FC Porto qui est là, t'as le club de Schalke en Allemagne et le Galatasaray, le club turc, donc ça va être serré quand même pour savoir qui sera un et deux dans ce groupe-là, à suivre dans ce groupe-là, même s'il n'y a pas le gros, des gros canons là, des clubs européens. Dans le groupe E, ben là, on retrouve le Bayern de Munich avec le Benfica de Lisbonne, un club portugais, avec l'Ajax d'Amsterdam, est un club grec, l'AEK de Grèce. Donc, moi, je pense que le Bayern et Benfica devraient terminer premier, deuxième. Mais attention à l'Ajax dans le groupe A aussi, qui pourrait être dangereux, qui pourrait surprendre. On va aller dans le groupe F, Manchester City avec Lyon, l'Olympique de Lyon, le Shakhtar Donetsk, un club ukrainien, et puis un autre club allemand, l'Offenheim. Donc, je pense Man City, Lyon pourrait se tailler une place en deuxième position. Mais Man City a une très belle sélection, un beau club cette année, encore une fois. Dans le groupe G, ben, les tenants du titre depuis 3 ans, le Real Madrid avec la AS Roma, ça pourrait être intéressant, mais je pense que même si Ronaldo n'est plus là, le Real a déjà 3 victoires dans son championnat. Il a bien entamé son championnat dans la Liga espagnole. C'est un club russe de Moscou, le CSKA de Moscou, et un club là, de République tchèque, là, Pizen, je pense, devrait fermer la marge. Roma, Real Madrid dans ce groupe-là. Real premier, bien entendu. Et dans le dernier groupe, devrait être intéressant aussi, la Juventus et le Manchester United avec un club le club de Valence en Espagne et un club suisse, le Young Boys. Donc, je pense Juventus, Manchester United devrait terminer premier, deuxième. Attention, Valence qui a bien commencé là, sa saison en Liga espagnole aussi. Et on sait, Danny, que la finale cette année, elle se disputera dans le Wanda Metropolitano à Madrid. C'est le stade qu'on est allé voir avec mon groupe d'étudiants en avril dernier. Ah, la finale aura lieu là. Elle est déjà annoncée. On annonce toujours les finales de la Ligue des champions un an ou deux à l'avance. Donc, ça commence le 18 septembre, Dani. Ça va être intéressant. Mais un match à regarder le 18, le mardi 18, Liverpool-PSG. Je crois que ça va être le gros match de cette journée-là. Ouais. Dis-moi, on va y aller maintenant avec du côté de... J'avais oublié question sur Anthony Jackson-Hamill. Est-ce que la semaine passée, il a failli être prêté à une Ligue 2? Il voulait être prêté, tout le moins, puis ça ne marchera pas. On voit que ça ne semble pas... la relation avec Rémi Garde ne semble pas être là, hein? Ça semble pas être là, mais à un moment donné, quand un garde lui donne la chance de se faire valoir sur le terrain, je sais qu'il a été blessé aussi. C'est dommage de voir ça un peu parce qu'il a eu quand même une bonne saison l'année dernière, ou il y a 2 ans aussi, il marquait des buts. Mais il faut qu'il marque des buts, c'est un marqueur ce gars-là. Ben oui. Il a beaucoup de chance. Et c'est dommage de voir un Québécois qu'on est en train d'échapper tranquillement. Piet s'en sort très bien. Quand tu regardes les 11 partants semaine après semaine de l'Impact, le seul Québécois qui a beaucoup de temps de jeu, c'est Samuel Piet. Les autres, c'est plus difficile un peu. Mais j'espère que Jackson Hamel pourra se relever parce que ça prend des Québécois quand même à oui, Québec. Ben oui, ben on oui, dira ce qu'on voudra. Puis je pense que Jackson Hamel doit avoir de la confiance et tout est en lien avec la confiance. Un joueur de soccer, un joueur de foot, quand la confiance n'y est plus, alors c'est difficile. Et là, je pense qu'il l'a perdu, Anthony Jackson Hamel. J'espère qu'il va avoir encore du temps de jeu. Oui, il a manqué s'en aller dans un club de Ligue 2 en France, mais ça serait, d'après moi, ça serait rétrogradé, là, si tu veux. La Ligue 2, c'est-tu meilleur que la MLS? C'est une bonne question, Danny. Je sais pas. C'est bien embêtant de dire ça, mais la MLS, ça commence à être assez relevé dans la MLS quand même. Le calibre est intéressant. Moi, je pense que la MLS est supérieure à la Ligue 2 en France, selon ma réflexion. Okay. C'est mon idée à moi, là. Il y a même des clubs de Ligue 1 en France qui sont pas meilleurs que les clubs de la MLS. Je suis à peu près certain. C'est pas tous les clubs de la Ligue 1 même qui est supérieur en général aux équipes de la MLS. Donc, de plus en plus, le championnat nord-américain de la MLS prend du galon. Et puis, il y a des jeunes qui sont là de plus en plus. Puis, il y a les académies aussi qui forment des joueurs, autant aux États-Unis aussi. Donc, on sait que c'est à venir, la MLS, mais de plus en plus, la Ligue est de plus en plus intéressante. OK. On va y aller maintenant. Je veux te parler de Laurent Simon. Es-tu surpris de Laurent Simon s'en va justement en France? Ben, surpris, mais en même temps, je pense que l'idée de ça, c'était de voir la déception de Laurent Simon échanger à Los Angeles. Je pense que Laurent Simon aurait continué encore quelques années ici à Montréal. Est-ce que l'Impact, l'administration, les gens de l'Impact, la direction de l'Impact va y venir ça au loin? Peut-être que Laurent Simon avait des intérêts pour aller jouer en France, peut-être. Peut-être qu'il y avait ça quand on fouille un petit peu, on ne sait pas. Mais il y avait toujours l'histoire de sa fille, là, qui est toujours dans le... Tu sais, sa fille, il s'est emmené de la Belgique pour être en France, puisque je pense que c'est au Canada, parce que sa fille, je pense qu'elle elle a une maladie quand même assez rare, hein? Oui, mais je ne suis pas au courant vraiment de la maladie. Autiste, bon, c'est ça que je cherchais, c'est le mot exact, c'est autiste, semble-t-il. Bon, mais tu vois, je pense que le départ de Laurent Simon, quand Laurent Simon est venu à Montréal, c'était pour ça, parce que c'est pas le club qui l'avait approché, il a fait des tentatives de l'avoir, c'est lui qui a approché le club. De là, de dire la fin de l'histoire avec l'Impact est un petit peu plate, parce que lui, il avait vraiment l'Impact dans. On voyait qu'il s'était attaché à ce club-là. Maintenant, quand l'arrivée de Rémy Garde, quand Rémy Garde est arrivé, bon, ben, forcé d'admettre qu'au niveau du terrain, probablement qu'on le voyait peut-être pas dans la sélection de l'Impact. C'est pour ça qu'on l'a échangé. Ou peut-être qu'on voyait arriver au loin un départ en France. Alors, on est allé chercher un joueur en échange là-dessus. Peut-être que c'est ça aussi. Ouais. Parce que le club, avec Laurent, où ce qui est parti, c'est avec le club de Dijon. Et présentement, le club de Dijon est en deuxième place du championnat français avec 3 victoires, 1 défaite. Donc, ils sont en arrière du Paris Saint-Germain. C'est déjà une surprise de les voir là. Donc, ils se retrouvent avec un bon club quand même. Oui, effectivement. Donc, Benoît, ça fait pas mal le tour pour cette semaine. On se reparle dans 2 semaines. Yes. Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence du soccer au Saint-Jean.